Voilà le barrage. Ici, ils ont une double mission, c'est mener leurs propres recherches et inviter les chercheurs dans leur domaine au niveau mondial. Donc, ils ont un rôle de contact local, c'est-à-dire d'aider le chercheur à faire ses expériences. Donc, un double rôle d'accueil et puis de recherche. Et, voilà. Alors, le champ magnétique, non, est relativement silencieux, c'est même c'est même un danger, hein, parce que ici on entendrait bien qu'il y a des boulots, des graphiques, des choses qu'on n'a pas, et en avant, ça se passe mal, ça commence à se passer. Donc, ici, on s'est prévenu par la mise en route de tout ce que de la fille, des langues qui sont en train de se faire. Et voilà, donc, c'est tout le monde qui se prend. Simplement au croisement des deux circuits hydrauliques. Donc ça, c'est un objet qui a été mis en place par Cédric et son équipe pas plus tard qu'il y a quelques mois, et qui nous permet en fait de prendre jusqu'à 36 MW qui seraient mis dans les mains en puissance et de les transporter vers le circuit externe. Et là, la question est ouverte de la récupération d'énergie que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc bon, là, c'est simplement l'idée du dos qui font cette petite vibration. Bon, ça c'est une pièce relativement peu dangereuse, il n'y a pas d'électricité. Là, je croyais, bon, c'est vite de... Ouais, il y a 200 mètres carrés de surface. Donc on va sortir par la porte là-bas, puis on va jeter un coup d'œil au pont principal. Si on a actuellement ralenti, c'est pareil, on n'aura pas trop de bruit, sinon on ne s'entendrait pas. On est ici, là, vraiment dans le régime de refroidissement minimum. Après, c'est une surface d'échange, là. Ici, la surface d'échange, ça va prendre à 200 mètres carrés. C'est une surface d'échange. Donc, ça commence à faire un certain nombre de surfaces. Et pour ceux... Ouais. Ceux qui iront au barrage, donc, je ne le prends pas, hein. C'est que l'eau qui sera acheminée depuis le barrage arrivera par là. Voilà. Et ce, l'eau qui est trop chaude ressort par là. Enfin, pour comprendre ce que...